penses que Jean Tremblay, là, sa clientèle type, selon moi, là, est un peu plus les personnes âgées, alors que Régis Labeaume, avec son style un petit peu, selon ses détracteurs dictatoriales, il pogne chez les femmes, parce qu'on sait que les femmes aiment ça, cette attitude-là. Et les banlieues. Labeaume, c'est la revanche des banlieues. Oui. Ouais, les banlieues, parce que le centre-ville est encore un petit peu plus à gauche. Ouais, je te donne. Merci, Myriam. OK, salut, bonne salut. Journée. C'est quoi, pourquoi tu dis que les femmes aiment cette attitude dictatoriale? Attention, j'ai parlé d'une attitude, je fais attention quand on parle de Régis, que certains de ses détracteurs associent à une attitude dictatoriale. Je suis rendu prudent, hein? Mais oui, les femmes aiment. Dans le sens qu'ils rough un peu des fois. Mais il est à 80% de taux de satisfaction, ouais. C'est quand même pas juste les filles. Oui, check les femmes, les sondages le disent. Il y a toujours pogné plus chez les femmes. Mais là, il est 9h41, là. Là, il faudrait que je te parle de ton cerveau reptilien. Tu savais? Pas c'est, sûr, c'est, pas sûr. C'est médical, mon affaire. Vous aimez ça? Vous aimez ça. Un gars qui a une attitude... Je vais employer un autre mot. Ben, parce gars, effectivement, dictatorial, ça peut vouloir dire... Tu sais, il faut faire attention, le mot est un peu galvaudé. Cherche un mot pour décrire le style de gestion de Labeaume, là. Rough. Souvent, on l'a vu écraser les critiques un peu. Dieu! Vous aimez ça? C'est en vous autres. C'est dans votre cerveau. Mais là, faudrait pas que je sorte mes études. Tu es en train de me dire que les femmes n'aimaient pas Madame Boucher? Madame Boucher est assez rough aussi. OK. Mais nomme-moi un politicien qui s'est retrouvé à la tête comme ça ou une politicienne puis qui avait pas un style. Les femmes aiment le pouvoir. C'est un l'autre chose. À la TV, il y a un gars qui l'a super bien expliqué, mais là, faudrait que je te le retrouve, là. Parce que là, il en revenait plus. Il y a plein de belles jeunes filles. Il s'est servi de ça comme exemple en France, là, des intellectuels, des journalistes qui tombent en amour avec des gars de 50, 60, 70 ans, des politiciens gros, pas beaux, sont en admiration béate devant ces gens-là. Et là, il y avait un expert en psychologie là, qui expliquait à partir du cerveau reptilien de la femme comment c'est à elle de aimer. Dans le cas de la France, on parlait carrément parfois de passion amoureuse. Dans le cas de Québec, là, c'est plus un électorat qui est féminin, qui est en admiration devant Régis, en raison de son style, disons, autoritaire. Ou dictatorial, si vous aimez pas Régis, là. Si vous l'aimez, ben, disons, autoritaire. Et je suis convaincu, je l'ai vu aller en public plein de fois. Il y a plein d'hommes qui admirent le maire Labeaume. Ouais. Mais les femmes, c'en est, regarde. Je l'ai vu. Celles qui demandent des autographes, là, c'est pas les gars qui vont faire signer Régis, c'est les filles. Les photos, c'est des femmes. Même jeunes, là. Des amis, des fois, moi. Mais une la théorie de mes amis avancée. Était avec moi, on était au festival d'été. Hey, Régis, tu le connais-tu? Toi, j'ai dit, boy, t'es pas avec le bon gars, là. Sors avec un autre parce que moi, Régis, il m'aime pas. Mais, ah ouais, j'aurais aimé ça, prendre en photo, tout ça. Puis là, je suis pas allé plus loin que la fille parce que je voulais pas la faire mal paraître, surtout, tu sais, que, mettons que je la crousais un petit peu, mais j'aurais voulu lui dire. Tu peux pas dire qu'est-ce que tu... Non, non, c'est ce que j'aurais dit. Non, j'aurais pas parlé de son cerveau reptilien. Mais j'aurais pu y démontrer en disant, qu'est-ce qu'il a fait, Régis? Parce que la fille en question, je suis même pas en politique. Celle-là, là, en tout cas. Il y en a d'autres amis, quoi, mais celle-là, je me souviens, non. Parle-moi de ses réalisations. Non, elle aime le symbole, l'autorité, le gars tough. Et c'est ça, ça explique mais, écoute, en partie le succès de Régis. Mais le succès de Régis, je te l'accorde, là, mais ce que tu dis, ou en tout cas, je mets un petit bémol, moi, personnellement, là, mais ce que tu la théorie que tu prononces là, il y a une chercheure, une femme, et je me rappelle très bien que c'était une femme de l'Université McGill, qui avait publié une étude, justement, du fait que les femmes d'aujourd'hui étaient très attirées vers les hommes qui ont du pouvoir et les hommes qui ont de l'argent. Et c'était qu'il fallait arrêter de dire, ah ben non, non, non, non, non, puis d'être au-dessus de ça. Dans le fond, on est programmé génétiquement pour ça. Mais, et c'est la survie de l'espèce. Tu vois, j'y vais dans le même sens ça. Que toi. Vous êtes génétiquement, dans votre cerveau, vous recherchez l'autorité, le got tough, etc., la puissance. Régis, il incarne ça. Ouais, mais non, c'est pas alors, juste quand ça. Ramasse une fille. Moi, j'ai déjà dit, tu sais, Régis, des fois, là, il s'en est pris, par exemple, à José Vermeer ou à Isabelle Porter, tu peux voir, n'importe quel politicien autre que lui, là, il s'en prend rough de même à une femme, il est cuit, il est mort. Moi, j'aurais fait ça, je suis mort. Lui, ça passe. Et les femmes l'aiment encore plus en raison de cette théorie-là. En fait, aujourd'hui, c'est rendu que c'est la puissance et l'argent. À l'époque, là, de l'homme des cavernes, c'était le meilleur chasseur, puis celui qui était le plus fort et le plus bâti, parce que tu voulais avoir des rejetons qui allaient être forts et qui allaient pouvoir survivre aux intempéries. Comme les hommes ont recherché pendant des années. Ça s'est transformé avec les années. Comme les hommes recherchent les femmes, à la Jennifer Lopez, avec des fortes hanches, parce que les hommes voulaient s'accoupler pour avoir des enfants. Puis pour avoir des enfants, ça prend une fille qui a des hanches. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, là, c'est plus slim. Mais pendant des années, la femme idéale avait un bon bassin pour enfanter, mm-hmm. parce que c'était important dans le temps. Puis ça nous est resté encore un peu. Mais en fait, c'est que nous, on choisit le mâle, puis vous autres, faut que vous mettiez à tout vent. Faut qu'on s'en aille, ou j'aurais une théorie, je tasserais l'ordinateur, puis je continuerais, mais ça a l'air qu'on peut pas, il est programmé. Cette semaine, chez Desjardins, Ford de Sainte-Foy. 9h50, il nous reste pas grand temps, 3 minutes max. Alors, fais-moi donc passer, tiens, on va discuter tantôt. Là, on était parti dans des grandes théories sur. Ouais, mais je peux te dire, j'ai ressorti une photo du match bleu. Ouais. Je vais le dire aux auditeurs. Il y a aussi des gars qui ont demandé des autographes à Régis. J'ai une photo du match bleu que je me souvenais, j'en revenais pas. Comment Régis était rock c'est des star. Des hommes féminisés. Oh, c'est ça. Et puis tout assis, tu vas me dire, t'es pas correct. Et dans la file, il y a 1, 2, 3, 4, 5 gars, 2 filles et 2 enfants. Il y en a peut-être là-dedans qu'elle est pissée aussi, là. Non, peu, là. Hey. Tout, il descendait peut-être les escaliers pour ça. Non, de toute façon, les sondages l'indiquent. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes également qui trippent sur Régis à Québec. Mais je le sais. Mais les sondages le démontrent et moi, je pense qu'il y a une plus forte proportion de femmes également. Qui l'aiment peut-être pour ses politiques et c'est ce qu'il représente, la fierté et tout, là. Il y a plein de bonnes raisons. Mais n'importe quel psy, quand t'as un taux, ça s'est jamais vu, le 80%. Là. Quand t'as un taux de 80%, il n'y a pas juste la politique. Il y a aussi la personnalité. Oui. Et je pense que le style autoritaire de Régis, c'est un peu une contradiction. Parce que normalement, les gens ont tendance à penser, les femmes vont aimer moins un style autoritaire d'un homme. C'est faux. C'est faux, et ça, c'est génétique, et c'est mais dans c'est le cerveau. Mais c'est parce que pendant des années aussi, on a dit que les gars, ils devaient être plus roses, plus doux, plus... Puis les femmes aiment les hommes. Voilà. En tout cas, il y en a peut-être une femme qui l'aimait pas. Votre calice de maudit calice d'œil! Ah, c'est pas vrai? Parce il qu'à l'a fait fin, dans ses bras à fin. Et voilà, je l'avais dit, ça c'était émotif. Garde. Ça c'était de toute beauté.